sortie de là. J'avais si peur, j'avais si froid. Choquée, tu me prises dans tes bras. Une femme blessée peut s'en sortir. Aujourd'hui j'y crois. Je ne me lasserai jamais de toi. Tes souffrances et tes peurs m'ont rapprochée de toi. Je ne pouvais pas rester là et ne voir s'acharner sur toi. Je t'en prie, ressaisis-toi. Tu sais que je suis là, oui, je suis là. Les douleurs du petit mal qui crie, qui pleure. J'ai tellement envie de...